Classique. Vous êtes sur Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches. La nouvelle émission de référence 100% classique, 100% hip-hop, 100% R&B. Avec un programme très chargé ce soir, on en parlait à l'instant avec Priska. On y attaque direct maintenant, Outkast, voici Eya. Paid in Live avec Laurie Neal, c'est All My Time. Et DJ Keops, Oxmo Puccino, c'est Mama Lova, les trois premiers sons de l'émission. C'est Skyrock Classics, mettez-vous bien, on termine le week-end tout en puissance sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Et ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, tingle in the bone marrow, tame to all my apparel. But I ain't that aggressive. Instead, I act suggestive. Bat my eyelashes. magic. With all due respect, he approached it. Then off of the roach clip as I respectfully declined to smoke it. Broke it to ice, his demeanor was nice. He tried to freak it to my mental. Hey, yo, it was an accident. Yo, his talk was slick. My resume is kinda thick. So let's blow this scene, girl, and check this flick. And show me why I paid a lot, paid your average click. Recognize, paid a lot, recognize, paid a lot, about to lock. All my time, it could be spent with you. So what you gonna do? Make sure your game is true. We should keep it in the lot. I got an urge to ride the train. Do some walking in the rain. It sounds insane, but meditated for the brain. Plus I like to get to see if you as crazy as you claim. Dope blowing like iceberg slim and down on blowings. Uncut, it's all raw dog. Hit me off, pay the line, baby girl, I'm saying. Disconnection, be hit through your burrow. Territory, your section, true. I come correct in Armani denim. Truck jewels, top gear, and really wear linens. No question, I'll show you affection as I proceed to lead your direction. Well, these procedures that you agreed to, I'm gonna need to know a little more about yourself and family. But who's paid and who's live? Where you live? What you drive? Ever did a homicide? Let our molecules collide and time will tell. If you can endure with now, if you're trying to knock it down, and I'm not the type of girl. My mind's a pearl, and I done been around the world. But if you're righteous, I might just let you spend the night in all my time. Skyrock Classic. Mama Lova. Lova, Lova. One, two, what you gonna do? Mama Lova. Lova, Lova. One, two, what you gonna do? Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé. Seul fidèle au poste pour ses gosses peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou. Jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups. Dans le but de faire quelqu'un de bien unique. Qu'un inconnu évite de dire celui-là on nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie. La rue reste, ne pas se presser taf. Ne jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé. Ici beau c'est un fils en tôle que le système s'efforce à gommer. À tous les lascars, pauvres riches, dédicaces, une bise sur les joues de maman. J'ai les places. Toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du pays ou pour toutes les mères de fou. Où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du pays ou pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du pays ou. Autant de love à tous les gosses assis sur son trône, pose une couronne de rose sur son dos. Grandir sans peur c'est dur. Même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à plus t'assure. T'as pas saisi, enlève la mère de la Côte d'Azur. J'dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là. Plutôt tard s'attraper en larmes sur l'absence. C'est pas facile à dire, l'amour est à ce prix là. Car rien n'est éternel, la vie te l'a pris hélas. Mes ex-hobbies, les sexes, les phobies, faut dire. Ça inquiète la mama donc j'ai cessé. Car même le dernier des meurtriers à sa mère pour pleurer, crier son affection sans question. Faux, ce soir tu ranges ton gun, laisse ton shit, range les dangers, les risques. Car avant d'être un Scarla, t'es son fils. C'est pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du Pérou. Pour toutes les mères de fou, où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du Pérou. Pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Loulou au fin fond du Pérou. Tant de love à tous les gosses assis sur son trône. J'pose une couronne de rose sur son dos. Monte un cigare, Monte Cristo. Esprit ténébreux, Christ esprit halogène. Au micro j'ai la rime lacrymogène. Aimer sa mère, puisque chaque chose au monde pose. Le père à gauche danse tous ses sobouze pour cause. Il est là, t'es vaut rien, t'as dit mon 10 si tu réussis. Oh là là, tu reviens, son fiston, son fils, puisqu'on y est. Dis aussi que t'as donné le sein, vas-y mets le son, ai-je tort lors de mes speeches. Mes compliments si t'en as deux, moi j'en ai qu'une maman. Je lui fais ses courses quand elle veut, même si ça me saoule par moment. Je serai là, t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Y'a que ta copine pour te dire des choses si stupides, fillette. Ose te dire plus fidèle que ma mère sur ma vie. Je vais te faire couper tes mèches, pony. Pose ta main sur ton poumon, plus ton cœur. Toum, toum, toum, ça marche, tout te prouve qu'elle vit en fait. C'est pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit, de Ouaga, Boubou, au fin fond du Pérou. Pour toutes les mères de Fouf, où que ce soit, de Ouaga, Boubou, au fin fond du Pérou. Pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit, de Ouaga, Boubou, au fin fond du Pérou. Autant de love à tous les gosses, assis sur son trône de rose, une couronne de rose sur son dos. Mama love, Mama Lova, Oxmo Puccino, le club des millionnaires. Mama Lova, le 19 Nabu Place, Time Bomb, côté obscur, I am Vizla Records. Mama Lova, à toutes les mères du monde, à la mienne avant tout. Mama Lova, Oxmo Puccino, Black Mafioso, club des millionnaires. Mama Lova, hein, Marseille, 9-7 avec Paris. Mama Lova. Okay. Hey, ops. Mama Lova. Écoute Skyrock Classics. Clap, clap, clap, clap. If you need a fix. Yeah. If you need a fix, baby. And you say Black Street. And you say. Clap your hand, just clap your hand. Oh, sugar girl, you sexy thing. I like the way you swing. I always wanna be your lover. I always wanna be your lover. You can call me if you need a fix or two. Girl, you know how we do. I try to get with you. You can hit me on the phone, dial my number, I'll be waiting. Be the one.

secteur. Je crache ma vision vue de l'intérieur. Je pose une bombe, une spéciale pour ton postérieur. Patron sans porter, stylo terre et personne bronche. On expose ta soirée, mes sauces, moi et mon verre de bronche. Et si on mise, c'est pour rectifier les erreurs commises. Mon rap vide les lascars comme Moïse sur la terre promise. La mouise, ça renforce les liens et quand la musique sonne, partout les groupes ils font péter le standard sur nos Ericsson. Du succès, on a les clés. Mon clan, ma clé, réseau sur beat musclé. Lyrics vif à la casus clé. Un vif, kiff, mon riff, fait jusqu'en haute volta. Pose ton col, bouge ton cul et swing comme Travolta. J'en place une pour les miens car la famille y'a ça qui compte. T'en fais mon affaire et à la surface ma clé remonte. Que toutes les lascars se bougent, que toutes les meufs remuent leurs fesses. Que Dieu bénisse le micro arsenic et dans la pièce encaisse et danse. Laisse roule avec mon secteur. Allume tes feux, craque l'allumette, fais feu. Sur le beurre à faire demi pas de mouille pas là-dedans et vite ça brille pas. La peine de te faire remarquer, chic de la mec te grille pas. Te mêle pas de salette, nous foutre le souk. On va changer le beurre à le disque, même en foutre au souk. Arsenic donc chez les gosses, ça part en vrille, brille les guides, on m'en s'en bat, c'est d'une affaire de famille. Sur Skyrock, premier sur le rap, premier sur les classiques, tous les dimanches entre 18h et 20h désormais, c'est Skyrock Classics. Avec tous vos messages dans toute la France, Wahid, Skyrock, l'émission qui rend les dimanches moins tristes. Et il y a aussi Adrien de Paname, j'aime trop les sons à l'ancienne qui sont diffusés actuellement. C'est une nouvelle émission animée par Maxime, c'est ça? Ouais, ouais, Skyrock Classics, ça peut manquer tous les dimanches avec les meilleurs sons de Skyrock à écouter. Voici B2K, Bum Bum Bum et Will Smith juste après. Wild Wild West sur Skyrock. All my sexy mamas, come on, come on, come on. As we proceed to give you what you need, you know I like it when your body go bop, bop, bop. Bad boy, B2K, yo, oh, talk to him, player. Yeah. I like your little sexy style, love it when you're getting wild. Girl in the club with me. Come over here, let me talk to you for a minute. Yeah, I'll tell you something. Girl, you need to be in magazines with a crown on your head, cause you's a ghetto queen. Like bling, bling, bling. Come on, you fine, girl. The way you're shaking that sexy, oh. Body shaped like an hourglass. Can you spend some time? Yeah, let's do it, y'all. I wanna get you to myself, you and me and nobody else. And do the things we do. Baby, there is something that I need for you. Come on, baby, turn around and let me see that sexy body go bop, bop, bop. That is all I wanna see. Baby, show me. Come on, show baby, me. Turn around and let me see that sexy body go bop, bop, bop. The way you throw that thing in me, come on. I can take it. Second verse, come baby. On. Baby, you're teasing me. Gonna have to stop pleasing me while we're on this floor. Stop teasing me, baby. Yeah. I want you. You're taking it round and round. I love the way you put it down. Like you're making me scream for more. Give me more. Let's go. Don't stop. Come on. Put your two-way next to mine. Baby, you need me anytime. You and me behind closed doors. Oh, talk to me now. You about to be my main squeeze. Take trips, cop, shiny just things. Girl, just come with me. Oh, oh. Now, mama, go ahead, do the damn thing. Come on, baby, turn around. Turn around. See the sexy body go bop, bop, bop. That is all I wanna see. Yeah. Baby, show me. I like this. Come on, show baby, me. Turn around. Turn around. Oh, see the sexy body go bop, bop, bop, bop. The way you're throwing that thing yeah. at me. Bad boy, baby, check this out. Call me Dan. Dance for nothing, mommy. Plans to take a bomb. Get on the floor, make it bump more, shake it, mommy. Let's ride, I'm your Clyde, you can be my body. See you the type for me, mommy. So right for me, man, she can move it. Love when she dance to the music. Make me wanna stand like a pool stick. Hands is the smoothest. Just a simple touch, make me lose it. Girl, that's enough, stop moving. I bump that, I pump that. Girl, bring it to me, bump that. I want that, girl, sing it with me like. So let's do it again, mommy. You and a friend, mommy. Money ain't a thing, look what I gotta spend, mommy. Put up your hands for me, that's how you dance for me. Shake it like you can, honey. Take it from your man, mommy. Baby, turn around and see that sexy body go bop, bop, bop. That is all I wanna see. Baby, show me. B2K. Bad boy. They call me Diddy. Yeah. Dave Mack, you got one now, baby. Don't stop, come on. I see you, Chris. You know I like it when your body goes bop, bop, bop. Come on, don't stop. Let's go, let's go. Come on, let's go. Baby, turn around and let me see that sexy body go bop, bop, bop. Come on, let's go. Come on, let's go. And another one. Skyrock Classics, Classics. Kayla de Zazikaes. West, Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada, none of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo soldier, look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, reflex, and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis, from the start of it, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? That's a GB. Now who you gonna call? G-W-E-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. In the West, madman lost his damn mind. In the West, loveless, kidnapped, down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all everything you did, front and center. Now where you look back, kid, who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking after wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild, wild, wild, wild. When I roll into the wild, wild, wild, wild. When I stroll into the wild, wild, wild. When I bounce into the wild, wild, wild. We going straight. Don't even think about it. Six gun weighing a ton. 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around. See where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the Wild. When I roll into the Wild, when I stroll into the Wild, when I bounce into the Wild. Skyrock Classic Classics, 8h-20h. Je peux pas faire la resta, la fouine vient du resquoir. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, frimer ne m'intéresse pas.

I'm settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why there we go again. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. La fête ne s'arrête jamais le dimanche avec Skyrock Classics. On écoutait les Black Eyed Peas, Don't Stop the Party sur Skyrock, il est 19h. Et si vous êtes nouveau, c'est Skyrock Classics, la nouvelle émission avec 100% classique. Pendant 2h, 18h, 20h, vos dimanches soirs ne seront plus jamais les mêmes. D'ailleurs, vous avez plein de réactions là dans tous les sens. Karim, c'est de la bombe vos classiques, force à vous. Bah, merci à toi, Xiao aussi, c'est trop bon les classiques du dimanche. Fred, également nous envoie un message sur l'appli Skyrock, c'est trop stylé cette nouvelle émission. Et Nathalie aussi. Maxime, tu vas te moquer de moi, mais je danse comme une folle depuis 18h dans ma chambre. À l'écoute de l'émission MDR. Bah, t'inquiète, reste branché. Et vous tous derrière, derrière la radio, soyez nombreux à nous rejoindre. On vous attend. Skyrock Classics avec Coolio tout de suite. Voici Gangsta's Paradise, Dr. Dre, The Watcher et Akhenaton et la FF pour les Bad Boys de Marseille sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Ain't the same for gangsters, times is changing. Young niggas is aging, becoming OGs in the game and changing to make way for these new names and faces. But the strangest things can happen from rapping when niggas get wrapped up in image and acting. Niggas get capped up and wrapped in plastic, zipped up in bags when it happens, that's it. I've seen them come, I've watched them go, watched them rise, witnessed it and watched them blow. Watched them all blossom and watched them grow. Watched the lawsuits when they lost the dough. Best friends and money, I lost them both. Went and visited niggas in the hospital. It's all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show. Watch. Everywhere that I go, ain't the same as before. Good, you blame me. Niggas ain't mainly it, niggas they can't be. But niggas can't hit, niggas they can't see. I'm out of sight, now I'm out of they dang reach. How would you feel if niggas wanted you killed? You probably move to a new house on a new hill and choose a new spot if niggas wanted you shot. I ain't a thug, how much Tupac in you you got? I ain't no bitch neither. It's either my life or your life, and I ain't leaving. I like breathing. Cause nigga, we can go round for round, clip for clip, shit, 4 pound for pound. Nigga, if you really wanna take it there, we can. Just remember that you fucking with a family man. I got a lot more to lose than you. Remember that when you wanna come and fill these shoes. Watch. Everywhere that I go, ain't the same as before. Watch. Things just ain't the same for gangsters. Cops are anxious to put niggas in handcuffs. They wanna hang us, see us dead or enslave us. Keep us trapped in the same place we raised in. Then they wonder why we act so outrageous. Run around stretched out and pull out gauges. Cause every time you let the animal out cages, it's dangerous to people who look like strangers. But now we got a new era of gangsters, hustlers and youngsters living amongst us. Looking at us now, calling us busters. Can't help but reminisce back when it was us. Nigga, we started this gangsta shit, and this the motherfucking thanks I get. It's funny how time flies. I'm just having fun, just watching it fly by. Watch. Everywhere that I go, ain't the same as before. Watch. Six. Can I? Can I? I'm a

Batman, Vla, classiquement. Un transférant sur le mercato de Panama. L2 pigeon, cacato, troisième dan, Zlatan. Saignant et le vécu tristement crédible. Je manie la langue des reptiles, mon venin mortellement audible. Le franc parler de la rue et la subtilité de la hype incompatible. Ça plus de PQ, arracher les pages des arocutubes. Menace de society, amitié, contrat automatique. Vatos locos, creeps, blood, united, 9, 4, most wanted. Ma musique allège les épreuves, tu ne sens pas la maison barrée. Elle fait un sacré boucan comme quand Ferrara s'est barré. Comme une tariste de merde, ton image n'est pas la carte postale de Gorée. Facile de fuck les appels, elle nourrit à la cuillère dorée. Cassos musique, cassos musique. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos musique. Le son qui te monte, olé. Les doigts te gueulent, les filles bien restent classe, les bitches mettent leur œuf. Cassos musique, cassos musique. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos musique. Certifié par la street, du gros sub et de la weed. C'est le grand stratège guerre, voyou interplanétaire, sénateur du 9-4, j'nick, choix, sénégère. J'ai pas de commentaires, j'lève des coupes, fuck Arsène Wenger. Comme moi, olympique, j'porte la flamme, ma Marseille Dunkerque. Qu'on soit bien clair, j'vais tout baiser, percer, blague et des guerres. Braquage éclair, la violence m'a bercé, Ramon Decker. Légendaire jusqu'à l'Alzheimer, Ali Boumaier. J'cours tous les jours, t'es l'un Kenyan jusqu'à en devenir médaillé. C'est pas moi qui rappe, c'est mon estomac qui est en train de gargouiller. By enemies, c'est oui, Martin Luther, des terres pour douiller. On n'est pas dans le même bain, eux font de la mousse sans jamais se mouiller. Pas de masque, les fake gangsta, pseudo Black Panther veulent nous couiller. Kounia Maman, Vitry Black Blomber, Cassos Music. Cassos Music, Cassos Music. J'ai de couler un sous-marin, attaque soviétique. Retour machiavélique, j'te l'enfonce jusqu'à l'asiatique. Cassos Music, Cassos Music. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos Music. Le son qui te monte, les doigts te gueulent. Les filles bien restent classe, les bitches mettent leur œuf. Cassos Music, Cassos Music. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos Music. Certifié par la street, du gros sub et de la weed. Je ne cours pas dans vos tiercés. J'ai mille et un chevaux Bugatti Flow. Ma route est tracée. Plus de gros qu'un indicator, avec ou sans la dent cassée. J'kick le ton glacé. J'en ai les lèvres gercées. Jamais rassasié. Mi-conscient, mi-grossier. Moi j'suis Hlel, micro-circoncis. Canon scié. Nous c'est gros sub à la YMCMB. Eux c'est coup de sub à la YMCA. On désamorce les bombes classes. Jette les sales billets. C'est demande pourquoi dire oh non, tu pue de la chatte. Je suis meilleur, je sais que personne ne me flatte. Je ne manque pas d'air, Jordan, je plane dans les airs. Flight, t'es sur le polo, soit dans le culo. Je vais tweeter ta mère, tout le monde va la follow. Mercao, Creed Apollo, Fit Obama, j'ai toujours au-dessus. Comme tu le vois sur toi, la rue a fait une croix, je t'ai crucifié dessus. Aou! Cassos Music, Cassos Music. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos Music. Le son qui te monte, les doigts tous les gueules. Les filles bien restent classe, les bitches mettent leur œuf. Cassos Music, Cassos Music. Car ta blague, fausse musique. Moi c'est Bastos Music. Certifié par la street, t'as du gros sub et de la weed. De la, de la, de la weed. De la, de la, de la weed. Skyrock Classics, premier sur le rap, premier sur ROH2F, avec Cassos Music, un extrait de PDRG, le padré du rap game, Serof. Et c'est lui qu'on écoutait à l'instant dans l'émission. Il y a les plus grands philosophes qui nous écoutent, notamment Lucas sur Twitter. Skyrock Classics, c'est la meilleure invention du monde depuis la sauce samouraï. Et ouais, il y a aussi Chuterich qui nous écoute avec les jambes plâtrées. Continue cette émission, LGR. Bah t'inquiète, il y a du gros gros son qui se prépare. Je vous prépare un des plus gros sons des psychiatres de la rime. Toujours la même pensée. Hop, on l'écoute en entier dans un instant. Il y aura juste avant les Fugees, Ready or Not et Click, le son de Jay-Z et Kanye West tout de suite sur Skyrock. C'est Skyrock Classics jusqu'à 20h. Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got money, fuck it, cause I want some. B.I.G. Fuckin' with me. Oh God. Whoa. Okay, ain't nobody fucking with my click. Click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click, click, click, click, click. click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they B.I.G. Oh God. I tell a bad bitch, do whatever I say. My block behind me like I'm coming out the driveway. It's grind day from Friday to next Friday. I've been up straight for 9 days, I need a spy day. Yep. She try and give me that Wu-Tang, I might let my crew bang. My crew deep in that Wu-Tang, I'm rolling with, fuck I'm saying. Girl, you know my crew name, you know 2 Chainz. I'm pulling up in that Bruce Wayne, but I'm the fucking villain. Man, they kneeling when I'm walking in the building. Freaky women, I be feeling. From the bank accounts, I'm feeling. What a feeling, aw man. Man, they gotta be a young player from the D that's killing okay. Everything that he's fucking with. Click, click, click, oh click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click, click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want click, clap, stick them up. Yeah, I'm talking, yeah. Yeah, I'm talking re. Yeah, I'm talking B. Nigga, I'm talking me. Yeah, I'm talking bossy. I ain't talking Khalees. Your money too short, you can't be talking to me. Yeah, I'm talking LeBron. We ballin' our family tree. Good music, drug dealing, cousin. Ain't nothing fucking with we. Me, turn that 62 to 125, 125 to a 250. 250 to a half a man, ain't nothing nobody could do with me. Now who with me? Domino's, call me Hov or Hefe. Translation, I'm the shit. Least that's what my neck say. Least that's what my checks say. Lost my homie for a decade. Nigga down for like 12 years. Ain't hugging son since second grade. He never told. Who we gon' tell? We top of the totem pole. It's the dream team meets the supreme team. And all our eyes green. It only means okay. One thing. You ain't fucking with the click. Click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click. Click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want the. Break records to Louis, ate breakfast at Gucci. My girl a superstar, all from a home movie. Bow on our arrival, the un-American idols. When niggas didn't pay us, got them hanging off the Eiffel. Yeah, I'm talking business, we talking CIA. I'm talking George Tenet, I seen him the other day. He asked me about my Maybach, think he had the same. Except my tenant, and his might have been rented. You know white people get money, don't spend it. Or maybe they get money by business. I'd rather buy 80 gold chains and go ignorant. I know Spike Lee gon' kill me, but let me finish. Blame it on a pigment, we live in no limits. Them gold masterpiece ceilings was just a figment of our imagination. MTV Cribs, now I'm looking at a crib right next to where TC lives. That's Tom Cruise, whatever she accused. He wasn't really drunk, he just had fruit brews. Pass the refreshments, a cool, cool beverage. Everything I do need a news crew's presence. Speedboat swerve, homie, watch out for the waves. I'm way too black to burn from sun rays. So I just meditate at the home in Pompeii about how I could build a new Rome in one day. Every time I'm in Vegas, they screaming like he's Elvis. But I just wanna design hotels and nail it. Shit is real, got me feeling Israelian. Like Bar Raphael or Giselle, no, that's Brazilian. Went through deep depression when my mama passed. Suicide, what kind of talk is that? But I've been talking to God for so long. Now if you look at my life, I guess he talking back. Fucking with my click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. As I look around, they don't do it like my click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want the. 18h-20h, Skyrock, Classics. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates.

been with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras. Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in a distance. She can get high all in an instant. I'm not sure what I see. You don't fuck with me. Are you telling me to say the same? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me to say the same? Don't think about it, boy. Leave her alone. Oh, yeah. Nigga, you ain't no chick. Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, you freak. Nigga, don't be young and foolish. Don't know what you're doing. Dog style. I'm not sure of what I see. You don't fuck with me. Are you telling me to say the same? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me to say the same? No. Don't think about it, boy. Leave her alone. Nigga, you ain't no chick. Do we? Do we? officially reopen up the block and dedicate my life to preservation of hip-hop. I'm tired of seeing the people in my culture getting shot, and now I must step up because I know that's all we got. I must do it, pursue it before all the maggots make it drop. Hip-hop, it ain't gon' die, it's gon' diversify, and as long as I'm alive, I'm gon' promote the art. And no matter how many people try to use or diffuse it, it ain't nothing like hip-hop music. Merci de passer votre dimanche soir sur Skyrock. C'est Skyrock Classics, la nouvelle émission. Entre 18h et 20h, il y a Miss Stone qui est contente sur le skyrock.fm. Trop bon ce son de Naughty by Nature. Et ouais, c'est le groupe de la East Coast. Pour terminer l'émission, ils viennent du New Jersey. C'est près de New York, aux États-Unis. On l'écoutait le morceau Holiday. Avant d'enchaîner avec lui, tu es Stéphane. T'es là pour le futur, l'avenir, les prochains classiques. Exactement. Moi, j'ai kiffé sur le Hijo de la Lune, hein, des psychiatres de la rime tout à l'heure en arrivant. Et ouais, parce que t'es Marseillais et forcément, tu représentes Marseille aussi. Ouais. Exactement, avec une pensée assez à style d'ailleurs. Exactement, ouais, qui nous a quitté tragiquement. Donc voilà, Soprano, voilà, toute l'équipe, on pense à vous. Les psychiatres. Et ouais, psychiatre en force. Donc prochainement, du psychiatre à écouter dans Skyrock Classique. Soyez là dimanche prochain. Ouais, exactement, on est parti pour le 8US. Et bah ouais, on y va. Bon, on espère écouter du psychiatre bientôt dans le 8US. Et bah. Ça veut dire que ça va vraiment bien pour ça eux. Ça veut dire qu'ils vont déménager, ouais, c'est ça. Non, pourquoi? Bah, pour aller à Marseille, mec. Faire du son de Marseille et les envoyer par email aux États-Unis, ouais. Voilà. Bien pratique. C'est parti, on y va. On y va. Allez, on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.